Réponse à l'ambiguïté. Leur parole. Nous n'y entrons que pour la réforme et pour contredire le faux. Réponse. C'est un noble but, seulement le moyen n'est pas conforme. La règle chez nous, musulmans, dit « la fin ne justifie pas les moyens ». Le moyen chez vous est shirki et innovateur, qui égale Allah dans ses actes. Le musulman mouahid n'a aucun doute que le plus grand mal est l'association et la mécréance. Allah dit « Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. » Sourate 4, verset 48. Et il a dit aussi « En effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine, et tu seras très certainement du nombre des perdants. » Sourate 39, verset 65. Et il a dit aussi, « Ce sont certes des mécréants ceux qui disent, en vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, « Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis. Et son refuge sera le feu, et pour les injustes, pas de secoureur. » Sourate 5, verset 72. C'est de l'association lorsque l'on demande jugement auprès du Taout, car la demande de jugement est un acte d'adoration voué exclusivement à Allah. Et si la personne voue cette adoration au Taout, elle devient alors associatrice à Allah. Et la mécréance est que l'individu prête serment au respect du Taout, lequel Allah lui a demandé de rejeter. Et la mécréance est que l'individu présente la loi d'Allah sous forme de requête, d'objet de choix et de vote, et qu'il ouvre la porte de la mécréance à Allah en soumettant la loi d'Allah au vote et au choix. L'un de ces quatre points rend l'individu mécréant apostat. À ces gens-là, de prendre garde à ce qu'ils sont sur le point d'accomplir, et qu'ils sachent que l'association et la mécréance sont les plus grands maux et que la fin ne justifie pas les moyens. Le moyen chez ces personnes est mécréance et association à Allah. Ambiguïté sur leur position sur le serment. Ils disent « Lorsque nous prêtons serment pour le respect de ses constitutions et ses lois, notre intention est de respecter ce qui est juste dans ses lois et constitutions. » La réponse. S'ils savaient ce qu'est Tawahid et ce qu'est la religion d'Ibrahim, alayhissalam, ils n'auraient pas prononcé ces paroles. Ils éviteraient alors de s'égarer et d'égarer autrui. La réponse à cela est « En premier lieu, toute personne à qui Allah a facilité la connaissance de l'islam doit connaître Tawahid, qui est basé sur une négation et une affirmation, et que si le faux ou l'association venait à se mélanger à la vérité, il est du devoir de la personne d'exclure l'association et la mécréance et d'isoler la vérité tout en l'acceptant, comme l'a dit l'imam al-Muwahhid Ibrahim. Et lorsqu'Ibrahim dit à son père et à son peuple, « Je désavoue totalement ce que vous adorez à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. » Sourate 43, verset 26-27. Il a désavoué en premier lieu tout leur objet d'adoration, et il a ensuite isolé ce qui est juste parmi eux, à savoir l'adoration d'Allah, sans lui donner d'associé. C'est cela la religion d'Ibrahim alayhi salam, qui n'est délaissée que par les faibles d'esprit. En second lieu, il est connu que celui qui prête serment de respect au Taout, sans contrainte ou par ignorance de sa réelle nature, celui-ci ne l'a pas rejeté, car le rejet du Taout doit se faire par le cœur, la langue et les actes. L'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, a dit « Sache qu'Allah te fasse miséricorde, que la religion d'Allah est dans le cœur avec la croyance et par l'amour et la haine, et qu'il est sur la langue par la prononciation du Tawahid et la non-prononciation de la mécréance, et qu'il est sur les actes par l'accomplissement des piliers de l'islam et les délaissements des actes de mécréance. Et si un de ces trois points fait défaut, la personne devient mécréante et apostat. » Ceci est une parole claire de sa part, rahimahullah, à travers laquelle il a jugé d'apostat celui qui prononce une parole de mécréance ou fait un acte de mécréance. Car celui qui dit « je jure » avec l'intention d'isoler la vérité ou « je jure » avec l'intention de ne respecter que la vérité, sa parole est vaine et non acceptable, car sa parole est une parole de mécréance. De plus, il a juré de respecter ses lois du Taout, qui sont adorées en dehors d'Allah sans qu'il soit sous contrainte. Contrainte par la menace de mort ou la torture, et sans qu'ils soient ignorants de leur nature. Le Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahmahullah, dit dans Kashf al-Shubuhat, quelle est la signification du chapitre cité